Passer l'examen. Sujet d'examen 1. Épreuve de compréhension de l'oral. Exercice 1. Cinéma Les Sept Parnassiens, bonjour. Si vous souhaitez connaître notre programmation de la semaine, tapez 1. Obtenir des informations sur le nouveau film de la semaine, tapez 2. Le programme de notre galerie d'exposition, tapez 3. Nos tarifs et conditions d'abonnement, tapez 4. Faire une réservation, tapez 5. Cette semaine, sortie très attendue du nouveau film de François Ozon, Angel. En version originale, tous les jours à 11h, cette séance est à tarif réduit, 5,50€. 13h30, 16h, 18h30 et 21h. La presse est unanime, c'est un chef-d'œuvre.